si je suis pas balafré. Je veux que ça sonne lourd, l'ingé n'aura pas la paix. Loin de chez nous, Harbi à la Kanye West. Je viens d'un village des Z un peu perdu à l'ouest. Putain c'est salace, salace. Faut dire que le son a changé my life. Maintenant veulent tous me faire la bise. Pas de quoi la whiz, que des giz, giz, giz. Y'a que ça dans ma team. Hey lâche, l'affaire, j'fais trembler le S-line. À l'aise, baby lâche, l'affaire, j'préfère rester dans le boîte. À l'aise, aïe aïe aïe, yama aïe aïe. J'trouve la faille pour la manier. Alicante, t'es dans le barrio. J'viendrai quand t'es plein le barrier. Département, y'a tout dans le bâtiment. Confiné, je viens du continent, je viens pas copiner. Ouais, qu'est-ce tu crois, Miami? Ah, tu veux Miami, je te lève comme à Baltimore. Je fais plus à Miami. Les rages sont sur Twitter, on sait qu'ils sont les buteurs. Je me pose sur la butée pour fumer mon pet à 6h. On redémarre la fusée, dans ce game faudra m'éviter. Pis ça, ces fils de qui voulaient tous me lapider. Baby, lâche, l'enfer, je fais trembler le S-line. À l'aise. Baby lâche, l'affaire, j'préfère rester dans le boîte. À l'aise. Aïe aïe aïe, yamaï aïe. J'trouve la faille pour la manier. Alicante, t'es dans le barrio. J'viendrai quand t'es plein le barrier. Aïe aïe aïe, yamaï aïe. J'trouve la faille pour la manier. Alicante, t'es dans le barrio. J'viendrai quand t'es plein le barrier. Faire tout péter pour le million. Ah le million, ah le million. On veut tout faire tout péter pour le million.